4 qui se jouera en juin prochain au Portugal. L'Allemagne a fait de même et le match amical qui opposera ce soir à Gelsenkirchen les deux formations sera une bonne revue d'effectifs pour les deux sélectionneurs car français et allemand sont deux prétendants au titre. Le championnat de France, lui, est au repos forcé. Pas de match de Ligue 1 et de Ligue 2 ce soir en raison d'Allemagne-France. Coup d'envoi à Gelsenkirchen à 20h30. Match à vivre en direct sur France Inter Grande Zone avec Jacques Vendroux, Jean-François Rhin et notre consultant football Dominique Rocheteau. Un peu plus tôt à 19h15 au Portugal, en match de barrage aller de l'Euro 2004 Espoir, les Français, eux, vont jouer au Portugal. Une victoire sur les Portugais qualifierait les Bleuets pour la phase finale qui débutera fin mai. Voilà pour le football. Il est temps pour nous de refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent après-midi. Merci beaucoup Philippe Habitboul à ce soir pour Intersoir. Et bien parapluie ou petite laine, pour en savoir plus, on se tourne vers Jacques Kessler de Météo France. La météo avec Super U, magasin hyper et supermarché. Pas beaucoup de pluie pour l'instant, principalement dans le sud de la Bretagne, en Vendée et Poitou-Charentes. Mais dans l'après-midi, il commencera à pleuvoir sur l'Aquitaine, les Pyrénées, dans le sud du Massif central, en Languedoc, en Corse, ensuite sur la Côte d'Azur. Ces pluies seront plus marquées en soirée, surtout des Cévennes ou Languedoc-Roussillon. Temps sec dans le nord, le centre et l'est du pays, mais pas forcément ensoleillé. Beaucoup de nuages bas et de brumes tenaces. Température maximale de 9 à 12 degrés dans la moitié nord, de 11 à 18 dans la moitié sud, les plus élevées sur la côte basque et la Corse. Demain, de la pluie sur la plupart des régions, faible en général, parfois abondante à caractère orageux sur les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Hérault, vent assez fort sur les côtes méditerranéennes. Au cours de la journée, de belles éclaircies se développeront tout de même sur la Bretagne et aux abords de la Manche. Pas de gelée matinale en pleine. Pour l'après-midi, température voisine de celle d'aujourd'hui. En légère baisse cependant au nord de la Loire, il ne fera que 8 degrés à Lille et à Rouen. Le mercure remontera jusqu'à 19 degrés à Ajaccio. Merci beaucoup Jacques Kessler. À 13h21 sur France Inter, nous retrouvons Patrick Pénaud pour le troisième volet de Rendez-vous avec X, consacré aux aides secrètes accordées aux Khmers Rouges entre 1979 et 1990. Seront-ils jugés un jour et combien le seront? Je veux parler des Khmers rouges, les chefs Khmers rouges, car il n'est pas question de juger les milliers de Cambodgiens qui ont été contraints ou pas les auxiliaires des bourreaux. Le génocide cambodgien, l'un des plus importants du XXe siècle, a fait entre 1 million et 2 millions de victimes, peut-être même plus. Et il est parfois difficile d'imaginer comment ce peuple débonnaire a pu soudain basculer dans l'horreur. Les semaines passées, Monsieur X est remonté aux sources de cette tragédie. Le Cambodge, pays neutre, est dirigé pendant deux décennies par le prince Sihanouk, un leader fantasque qui louvoie entre les grandes puissances et essaie surtout de sauvegarder la paix dans son pays, alors même que son voisin, le Vietnam, est déchiré par la guerre. Le pari est sans doute impossible. Les Nord-Vietnamiens violent depuis longtemps l'intégrité territoriale cambodgienne pour ravitailler le Viet Cong et établir des bases arrières. En 1969, après l'entrée de Richard Nixon à la Maison Blanche, commence une campagne secrète de bombardement au-dessus du Cambodge. Puis, en 1970, un putsch, inspiré par Washington, chasse le prince Sihanouk. Deux mois après, des troupes américaines interviennent sur le sol cambodgien. Le pays bascule dans la guerre, tandis qu'une guérilla communiste pro-chinoise monte en puissance. Cinq ans plus tard, alors que les Américains et leurs alliés sud-vietnamiens sont défaits, les Khmers rouges s'emparent de Phnom Penh. Et aussitôt, le génocide commence. Le pays tout entier devient un gigantesque camp d'extermination. Mais en 1979, le Vietnam, l'ennemi héréditaire, envahit le Cambodge et chasse les Khmers rouges. La résistance s'organise contre l'occupation vietnamienne, une résistance dominée par les Khmers rouges et qui va bénéficier d'aides très curieuses. Balance cadence d'un tango pervers. Les miens ont si fraude, ma colombe, ma cocotte. Si la vallée sanglote, violence, ça va de pair. Amour et souffrance, joubrade, l'air et le feu forment un complot, ça saute aux yeux, ça domazo, fait pour la pelle. Les gens là-haut, tu t'en rappelles, et les enfants en tourbillon dans un palais papillon. La vraie vie, la belle. Allez, viens, qu'on s'y frotte, ma colombe, ma cocotte. Les vallées ont des charmes à l'âme et l'arme. Vie, violence, ça va de paix. Je suis bon, non, non, non, non, non, non, de Dieu. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je sais que c'est très provocateur, mais les Khmers rouges sont en quelque sorte des créatures des États-Unis. Si les Américains n'avaient pas contribué à chasser Sihanouk pour le remplacer par le général Lon Nol, la guérilla communiste au Cambodge n'aurait sans doute pas triomphé. Mmh. Parce que vous pensez, enfin sérieusement, que Sihanouk aurait pu la contenir? Ah, je le crois, oui, oui. Malgré ses nombreuses erreurs, il était demeuré très populaire, surtout dans les campagnes. Or, c'est justement dans les campagnes que les Khmers rouges ont recruté. D'accord, mais enfin... Sihanouk porte lui-même une énorme responsabilité puisqu'il a accueilli les Khmers rouges dans son gouvernement en exil. Oui, c'est juste. Je n'essaie pas d'exonérer Sihanouk à tout prix, mais d'une façon générale, il faut remarquer que les Américains obsédés par l'expansion communiste n'ont jamais permis aux modérés de s'exprimer. C'est valable pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Le résultat, c'est que ces trois pays sont devenus communistes en 1975. Enfin, n'y revenons pas, nous avons déjà suffisamment parlé de tout ça. Mmh. Alors... Cette invasion vietnamienne du Cambodge en 1979... Alors, soyons clairs, ouais. Si les Vietnamiens interviennent militairement au Cambodge, ce n'est nullement pour une question humanitaire. Mais c'est vrai qu'en chassant les Khmers rouges, ils se donnent le beau rôle. Ouais, et puis ils sont sûrs du soutien de l'opinion internationale. Dans un premier temps, oui, car les 4 ans de régime Khmer rouge ont pratiquement détruit le pays. Toutefois, pour être juste, il faut aussi dire que les opérations militaires conduites par les Américains avant 1975 ont largement contribué à cette destruction. Les bombardements des B-52 ont causé la mort de centaines de milliers de Cambodgiens et anéanti la plupart des infrastructures qui dataient du protectorat français. Mmh, mmh. Oui, alors, comment dire, les Khmers rouges vont en quelque sorte finir le travail. Oui, oui, ce qui n'a pas encore été détruit va l'être. Le Cambodge revient d'un seul coup à l'âge de pierre. Et sur le plan humain, c'est une véritable catastrophe. Le pays est réellement saigné. Tous ceux qui ont le malheur d'avoir reçu une certaine instruction sont exterminés. Je vous donnerai un seul chiffre. Il y avait alors 450 médecins au Cambodge. Il n'en restera qu'une quarantaine lorsque les Khmers rouges devront fuir devant l'armée vietnamienne. Mais, bon, vous m'avez dit que le Vietnam n'est pas intervenu pour des raisons humanitaires. C'est évident. Ouais. D'abord, il faut prendre en compte le fait que les Vietnamiens ont toujours rêvé d'annexer le Cambodge. Mmh. Ensuite, il faut évoquer la situation géopolitique. Avec l'installation à Phnom Penh d'un régime maoïste soutenu par Pékin, Hanoï a l'impression d'être pris en tenaille. C'est-à-dire entre la Chine et le Cambodge. Oui, c'est ça. Or, le Vietnam a choisi le camp de l'URSS. Donc, en occupant le Cambodge, Hanoï veut d'abord desserrer l'étau maoïste. Oui, oui, c'est la vraie raison de l'intervention vietnamienne. Il faut quand même ajouter que tout au long du régime de ces nationaux communistes, comme on les a appelés, on a noté de multiples incidents aux frontières des deux pays. Et les Khmers rouges, s'ils avaient voulu donner des prétextes aux Vietnamiens pour intervenir militairement, n'auraient pas agi autrement. Les Khmers rouges sont chassés, mais ils n'abandonnent pas le combat. Non. Et alors que Hanoï met en place un gouvernement cambodgien à Phnom Penh, formé par des opposants qui avaient trouvé refuge au Vietnam, les Khmers rouges s'enfuient dans les zones reculées ou près de la frontière thaïlandaise, entraînant avec eux des dizaines de milliers de civils. Et alors, le prince Sihanouk, que devient-il? Je vous ai dit la semaine passée qu'en 1975, il avait accepté d'être le chef d'État du nouveau gouvernement. Mais c'est-à-dire le gouvernement des Khmers rouges. Oui, hein, mais après quelques mois, il s'était rendu compte du caractère génocidaire du régime et il avait démissionné. Ensuite, il avait été placé en résidence surveillée. Oui, mais très peu de temps avant le début de l'invasion vietnamienne, la Chine le récupère. Et quelques jours plus tard, Sihanouk se présente devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il y dénonce l'occupation vietnamienne et affirme être le représentant du Kampuchea démocratique. Oui, c'est-à-dire du régime Khmer Rouge. Exactement. C'est tout de même un peu bizarre tout ça, non? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. 3 jours après s'être présenté à l'ONU, Sihanouk dénonce les Khmers rouges et demande l'asile politique aux États-Unis. C'est en effet de plus en plus étonnant, mais enfin, comment vous expliquez ça? Quand Sihanouk fait sa première déclaration, il se trouve alors sous le contrôle des Khmers rouges. À New York? Oui, il n'est pas libre de ses mouvements, mais dès qu'il le peut, il prend ses distances. Je veux bien, mais enfin, il aurait pu faire lors de son audition par le Conseil de sécurité. Oh, vous avez sans doute raison, mais rien n'est jamais vraiment clair avec le prince Sihanouk, et la suite le prouve, car il va retourner à Pékin. Pékin, allié fidèle des Khmers rouges. Oui, Pékin, auquel il demande en vain de ne plus soutenir les Khmers rouges. Puis il part pour la Corée du Nord, où il va organiser la résistance à l'occupation vietnamienne. Mais ça, on va en reparler. Mm-hmm. Mais notez-le bien, 3 ans plus tard, il acceptera à nouveau l'entrée des Khmers rouges dans un gouvernement en exil. Ah, c'est ça, tout ça, c'est pour le moins sinueux. Oui, mais ça ne l'est pas moins que l'attitude de la communauté internationale à propos de la question cambodgienne. Alors que la réalité du génocide ne fait de doute pour personne et que la fuite des assassins a permis de prendre la mesure physique du massacre, l'ONU considère que les seuls représentants du Cambodge en son sein demeurent les Khmers rouges. Malgré le génocide qu'ils ont perpétré. Mais oui, c'est la triste réalité. Ce sont les bourreaux qui vont occuper à l'ONU le siège du Cambodge. Comment alors? Pouvez-vous expliquer cet aveuglement? On est encore en pleine guerre froide. L'adversaire pour les Occidentaux, c'est toujours Moscou. Et Moscou qui soutient les occupants vietnamiens. Voilà. Ouais. Donc, les ennemis de mes ennemis étant mes amis, qu'on vient de soutenir ceux qui résistent. Et parmi eux, les sinistres Khmers rouges. Et contre toute attente, les Occidentaux pèsent de tout leur poids afin que les diplomates du Kampuchea démocratique continuent à représenter le Cambodge. Ouais, rappelons-le, le Kampuchea démocratique, c'est le Cambodge des Khmers rouges. C'est ça, oui. Et l'ONU demande aux troupes vietnamiennes d'évacuer le pays. En vain, bien sûr. Paradoxalement, c'est au même moment que la communauté internationale prend conscience de l'état catastrophique dans lequel les Khmers rouges ont plongé le pays. La Croix-Rouge, l'UNICEF sonnent l'alarme. Plus de 2 millions de Cambodgiens risquent de mourir de faim et d'épuisement. Et je crois me souvenir qu'un véritable pont aérien va être organisé pour venir en aide au Cambodge. Oui, il était temps. Car il faut aussi tenir compte de ces centaines de milliers de réfugiés qui sont regroupés dans des camps de fortune aux frontières du pays et même en Thaïlande. C'est tellement vrai qu'on aura l'impression qu'il existe désormais 2 Cambodges. Celui de l'intérieur, contrôlé par les Vietnamiens. Il n'est pas reconnu par la communauté internationale. Hein. Seul le camp de l'Est le considère comme légitime. Et puis, il y a le Cambodge des frontières où s'entassent les réfugiés. Et c'est principalement celui-là qui fait l'objet de l'attention internationale. Une attention pas toujours désintéressée. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Ces masses de réfugiés forment une population malléable que l'on peut manipuler. Et où il est aussi possible de recruter des combattants, par exemple. D'autant que l'aide humanitaire peut dissimuler bien des choses, enfin vous. Commencez peut-être à comprendre. And everywhere you go, times are harder than they've ever been before. You know, people are drifting from door to door, but they can't find no heaven, don't care where they go. People, if I ever can get up out this heart-killing flow, Lord, I won't get down, down this low no more. When you hear me singing this old, old lonesome song, people, you know these hard times can't last for so long. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Qui étaient vraiment les Khmers rouges? Raoul Génard, un des meilleurs spécialistes du Cambodge, a essayé de comprendre. Et dans son ouvrage « Les clés du Cambodge », il publie une liste de slogans, des phrases très courtes qui étaient répétées à longueur de journée et devaient conduire à une obéissance aveugle à la mystérieuse Angkar, c'est-à-dire l'organisation, en fait la direction communiste. Voici quelques-uns de ces slogans. Détruis l'ordre ancien, remplace-le par l'ordre nouveau. Tu ne dois absolument rien cacher à l'Angkar. Tu dois être honnête avec l'Angkar. Tu dois te plier aux ordres de l'Angkar. Ne nourris pas d'idées personnelles. Il faut détruire l'ennemi visible et aussi celui qui est invisible. L'ennemi dans sa vie mentale. Celui qui proteste est un ennemi. S'il s'oppose, il devient un cadavre. Il vaut mieux arrêter 10 personnes à tort que d'en libérer une par erreur. Vous devez épier les moindres faits et gestes de chacun d'entre vous. Les malades sont victimes de leur imagination. Si vous voulez demeurer en vie, travaillez. Il suffit d'un million de jeunes pour faire le Kampuchea nouveau. Vous garder n'est pas un gain, vous détruire n'est pas une perte. Il n'y a aucun bénéfice à retirer de la garde des gens pollués par la culture occidentale ou les régimes pourris. On ne perd rien en les éliminant. Vous avez parlé de recrutement dans ces camps de réfugiés. À qui recrute? Tous les mouvements de résistance au gouvernement mis en place à Phnom Penh par l'envahisseur vietnamien. Un gouvernement qui est d'ailleurs présidé par un ancien Khmer rouge. Un repenti, celui-là? En quelque sorte. Et ces mouvements sont nombreux? Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait fastidieux, mais en gros, disons qu'il y a les Khmer rouges, les partisans de Sihanouk et d'autres organisations purement nationalistes. Ça signifie que la résistance n'est donc pas unie? Non. Et l'infatigable Sihanouk aura beaucoup de mal à essayer de former une coalition. Et même après 1982, quand il aura réussi à former un gouvernement avec des représentants de tous ces mouvements, on observera encore de nombreuses dissensions et même des luttes armées fratricides. Parmi ces mouvements, j'imagine que ce sont les Khmers rouges qui doivent être les plus forts. Oui, oui, parce que malgré l'accusante défaite qu'ils ont subie, ils vont assez rapidement reconstituer une armée. L'outil de cette renaissance est une organisation humanitaire. Une ONG qui vient au secours des Khmers rouges? Tout à fait, mais pas n'importe quelle ONG. Celle-ci, qui s'appelle le Groupement d'urgence pour le Kampuchea, en anglais le KEG, est installée à l'ambassade américaine de Bangkok et ses employés sont très actifs sur la frontière thaïlandaise. Ouais, je vois où vous voulez en venir. Les Américains, c'est ça? Oui, les Américains qui n'ont toujours pas digéré l'humiliation vietnamienne. Et qui aspirent à se venger. Et également à créer des soucis aux Soviétiques alliés aux Vietnamiens. Il faut souligner qu'ils n'agiront pas autrement en Afghanistan, où bientôt ils vont soutenir et armer les Moudjahidines en lutte contre l'armée rouge. Mmh. Alors, bon, soyons clairs, cette organisation humanitaire, c'est un faux-nez. Mais c'est certain. Non pas que le KEG n'ait pas contribué à distribuer de l'aide alimentaire aux réfugiés cambodgiens, mais cette aide a été en priorité attribuée au camp où les Khmers rouges régnaient en maître. Autre curiosité, les responsables de cette organisation étaient originaires des services secrets américains. Leur chef en particulier était un ancien de la CIA qui avait rempli de nombreuses missions clandestines au Vietnam et au Cambodge, à l'époque où les pilotes américains bombardaient quotidiennement ce dernier pays. Ouais. Alors, bon, cette organisation humanitaire est une émanation de la CIA. Absolument. Mmh. Et elle peut effectuer son travail sous couverture de l'ONU, puisque ce sont les Nations Unies qui coordonnent le programme d'aide alimentaire. L'objectif, c'est d'aider les Khmers rouges. Et de leur permettre de reconstituer au plus vite leurs forces. Alors, oublier le génocide? Dans la compétition avec l'URSS, le génocide pèse peu de choses. Et naturellement, l'aide apportée aux Khmers rouges va encore augmenter lorsque Ronald Reagan entrera à la Maison Blanche. Mmh. Vous avez parlé d'aide alimentaire, hein, mmh. mais... Bon, ça suffit pas pour reconstituer une armée, ça. Bien entendu, il faut des armes, de la logistique. Et c'est le plus délicat, car les États-Unis n'ont guère envie d'être accusés d'armer les Khmers rouges, même si le redoutable Pol Pot s'est apparemment effacé. Apparemment. C'est évident. Il continue à diriger. Mais comme sa présence est un peu encombrante et constitue un obstacle à l'unification des mouvements de résistance, il a faim de laisser la place à son second Khieu Samphan. Mmh. Khieu Samphan qui n'est pas moins mouillé que lui, si vous me permettez cette expression. Certes, hein. Mais Khieu Samphan s'est toujours débrouillé pour paraître plus policé, plus diplomate, moins sectaire. Mmh. Alors, revenons à cette question de l'équipement. Les Américains, s'ils veulent effectivement aider les Khmers rouges, doivent trouver un biais. Oui, et ils vont passer presque naturellement par l'armée thaïlandaise. Tout un réseau secret se met en place. Les équipements militaires, en provenance d'Europe ou directement des États-Unis, sont envoyés en Thaïlande via Singapour. En principe, ils sont destinés à l'armée thaïlandaise. Mais les généraux se débrouillent pour les transmettre ensuite aux Khmers rouges, non sans avoir au passage distrait quelques armes pour leur usage personnel. Ouais, la revente, quoi. Évidemment. Ouais. Au fond, c'est exactement ce qui va exister au Pakistan. Les Américains donnent des armes aux services secrets pakistanais, à charge pour eux de les faire parvenir aux maquisards afghans. En se servant au passage. Oui, vous avez raison, c'est à peu près la même chose. Et comme dans l'affaire afghane, Washington va se trouver un allié inattendu, Pékin. Pékin qui, bien sûr, soutient ses alliés Khmers rouges et qui a donné un avertissement aux Vietnamiens dès qu'ils sont entrés au Cambodge. Ah bon, quel genre d'avertissement? Une attaque dans le nord du Vietnam, une attaque limitée. Donc symbolique. Disons un peu plus que symbolique. Oui. Si je vous entends bien, alors, Pékin vient en aide matériellement aux Khmers rouges. Naturellement. Et ça rend bien service aux Américains qui, eux, ne peuvent intervenir que secrètement. Mais les Chinois, eux, n'ont pas à prendre de gants. Et ils se moquent bien du génocide cambodgien, ce sont des réalistes. Et si l'aide qu'ils apportent aux Khmers rouges leur permet d'affaiblir l'URSS et son allié vietnamien, c'est l'essentiel. J'ajoute que d'autres pays ont donné un petit coup de main aux assassins Khmers rouges. Et qui Les Britanniques, par exemple. Ah bon Mais pour quelle raison? Au milieu des années 80, quand Reagan a été obligé de réduire la voilure à cause du scandale de l'Iran Gate, il a demandé à sa commère, Margaret Thatcher, de remplacer les instructeurs américains qui entraînaient des résistants cambodgiens par des hommes des forces spéciales britanniques, les fameux SAS. Mmh. D'autres pays encore ont aidé? Ouais, je crois savoir que la France n'a pas non plus été étrangère à l'expédition d'armes vers les frontières cambodgiennes. Attendez, à destination des Khmers rouges? Non, je ne pense pas. Ces armes ont été confiées aux forces dépendantes du prince Sihanouk. Mais comme Sihanouk, malgré lui, va se retrouver une fois de plus dans le même camp que les Khmers rouges... Oui, c'est très important, ça. Quel était notre intérêt dans cette affaire? Sihanouk est un francophone. Un homme qui aime beaucoup notre pays. Pouvait-on refuser une aide à un dirigeant cambodgien qui avait de bonnes chances de revenir dans son pays un jour prochain? Ah ouais, une sorte d'investissement sur l'avenir. Je le pense, mmh. en tout cas, mais nous y reviendrons. Toutes ces compromissions expliqueront que les grandes puissances n'insisteront pas outre mesure pour que les dirigeants Khmer Rouge soient jugés. Et de peur qu'ils ne révèlent la vérité. Bien sûr, c'est très embarrassant tout ça. Bien équipés, est-ce que les Khmer Rouge et les autres résistants à l'occupation vietnamienne du Cambodge peuvent sérieusement lutter contre l'armée de Hanoï? Il leur faut d'abord s'unir. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une mince affaire. Mais les États-Unis et leurs alliés dans la région, et la Chine, naturellement, vont faire pression pour que les mouvements de résistance se coalisent. Et enfin, en 1982, un gouvernement voit le jour. Gouvernement en exil. Et qui s'installe dans une zone neutre à la frontière libérée. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est le prince Sihanouk qui préside ce nouveau gouvernement, qui va tout de suite être reconnu par l'ONU. Le vice-président et le leader Khmer Rouge, Khieu Sampan. Toutefois, le premier ministre Son San est un homme qui a autrefois collaboré avec Lon Nol. Vaste éventail. C'est vrai, un rassemblement plutôt hétéroclite qui ne traduit pas l'état des forces sur le terrain. Alors justement, cet état des forces... Les Khmer Rouges dominent largement. On estime qu'ils disposent alors de 35 000 hommes en armes. Sihanouk, lui, ne peut compter que sur 3 000 combattants. Quant à Son San, il commanderait à 8 000 soldats. Et en face ? Les Vietnamiens ont déplacé 175 000 hommes de troupes au Cambodge. C'est considérable. Oui, malgré l'aide soviétique, ça coûte aussi très cher. Et petit à petit, les Vietnamiens vont se rendre compte qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Ouais. Donc ils voudront se désengager. Oui, parce que leur économie est malade. Et au fond, c'est assez curieux, car les Vietnamiens vont vivre d'une certaine façon ce qu'ils ont fait subir aux Américains. Ouais, parce que maintenant, ce sont eux les occupants. Eh oui, étrange retournement de situation. Et dès 1982, ils retireront une petite partie de cet énorme contingent. En même temps, ils vont envoyer de nombreux colons au Cambodge. En fait, ce qu'ils voudraient réussir, c'est établir un véritable protectorat sur le Cambodge. Pourtant, ils étaient mieux placés que quiconque pour comprendre que la colonisation aboutirait forcément à un échec. Rendez-vous avec X. Dans son livre « Les larmes du Cambodge », Elisabeth Becker commente la collusion sino-américaine. Et elle écrit à propos des représailles chinoises entreprises au nord du Vietnam, 2 mois après l'occupation du Cambodge, ceci. Pékin profita également de l'occasion pour souligner le nouveau jeu d'alliance qui s'était constitué par-dessus les horreurs de la troisième guerre d'Indochine. Les États-Unis acceptèrent sans broncher les arguments chinois justifiant les représailles contre le Vietnam, même si des nations plus prudentes craignaient que l'invasion chinoise n'augmente sensiblement la possibilité d'une confrontation sino-soviétique à grande échelle. L'invasion chinoise proclamait la convergence d'intérêts sino-américains et garantissait que la Chine continuerait à contrôler les problèmes indochinois, cette fois dans le camp occidental. Brzezinski, il s'agit du conseiller à la sécurité extérieure de Jimmy Carter, y contribua largement. Il dit lui-même qu'il eut l'idée de persuader la Thaïlande de collaborer pleinement aux efforts de la Chine pour reconstituer les forces Mer Rouge. Au printemps 1979, le conseiller américain profita de la visite du ministre des Affaires étrangères thaïlandais pour faire progresser ses plans. « J'ai encouragé les Chinois à soutenir Pol Pot », déclare Brzezinski. « J'ai encouragé les Thaïlandais à aider le Kampuchea démocratique. Le problème, c'était comment aider le peuple cambodgien. Pol Pot était une abomination, nous ne pouvions le soutenir, mais la Chine, elle, pouvait le faire. » Et la guerre elle-même. Jusqu'en 1984, on assiste surtout à des offensives limitées, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas meurtrières. Mais en ce début d'année 84, les Khmer Rouges déclenchent une violente attaque contre une ville de l'Ouest. Couronnée de succès ? Oui. Réaction des Vietnamiens, là. Ils laissent passer quelques mois. Puis il riposte massivement. Toutes les bases militaires du gouvernement présidé par Neronom Sihanouk sont prises, et pour la deuxième fois, l'armée Khmer Rouge est détruite. Mais pour la plupart, ses chefs parviennent à s'échapper. Cette grande offensive provoque bien sûr de nouveaux drames humains, et les Cambodgiens fuient par dizaines de milliers vers la Thaïlande. Alors là, c'en est fini des Khmer Rouge ? Ah bah pas du tout. Grâce à l'aide américaine et chinoise, ils vont reconstituer leur armée. Il faut d'ailleurs souligner que le soutien des États-Unis s'officialise. La Chambre des représentants accepte un amendement prévoyant une aide de 10 millions de dollars d'aide économique et militaire pour la résistance non communiste. Ça veut dire que les Khmer Rouges en sont donc exclus ? En principe, oui. Mais c'est une fiction, puisque ce sont justement les Khmer Rouges qui forment le gros de la résistance. Est-ce que ça veut dire aussi que les aides clandestines vont cesser pour autant ? Non. Non, le KEG, dont je vous ai parlé plus haut, se transforme. Il devient le groupe de travail pour le Kampuchea. En principe, il est formé à l'initiative de la Thaïlande, de Singapour et de la Malaisie. Mais en réalité, c'est toujours la CIA qui se trouve derrière. Et les livraisons d'armes vont reprendre de plus belle. Mais en même temps, le climat change insensiblement. Pourquoi ? En URSS, c'est Gorbatchev qui règne. Et confronté à de graves difficultés économiques, il va diminuer son aide au Vietnam. Le Vietnam, qui lui-même ne va pas très bien et procède à des retraits de troupes de plus en plus nombreux. Et puis, peu à peu, les relations s'améliorent entre les deux supergrands. La guerre froide s'estompe, et tout le monde commence à penser, y compris à Pékin, que le mieux serait de parvenir à la paix dans cette région du monde. L'organisation d'une conférence de paix ? Ben, pourquoi pas ? Sihanouk, qui s'est une fois de plus disputé avec les représentants des Khmer Rouges, rencontre même le premier ministre du gouvernement pro-vietnamien établi à Phnom Penh. Manifestement, quelque chose est en train de changer. Et les Khmer Rouges ? Ah bah eux n'entendent pas céder. Ah. Et en 1989, tandis que les forces vietnamiennes évacuent complètement le Cambodge et qu'une conférence internationale se tient à Paris, à l'initiative de la France, ils en profitent pour gagner du terrain. Est-ce qu'ils sont présents à Paris, là ? Bien évidemment. Dieu son pan les représente. Oui, c'est le double langage. Certainement. Et ce qui est le plus préoccupant, c'est qu'ils continuent à profiter indirectement de l'aide américaine. Toutefois, malgré les combats incessants qui déchirent le pays, essentiellement entre soldats gouvernementaux et Khmer Rouge, il est quand même clair qu'on s'achemine vers un règlement pacifique de la question cambodgienne. Si mes souvenirs sont bons, il se tiendra une deuxième conférence de paix à Paris. Hein, une conférence tenue sous l'égide de l'ONU, c'est exact, en 1991. Et encore une fois, les Khmer Rouges sont autour de la table. D'ailleurs, tout le monde s'en félicite. Tout le monde. La France, par exemple. Il faut savoir être réaliste, dit notre ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas. Quant à Margaret Thatcher, elle se réjouit de voir que les bourreaux d'hier sont enfin devenus des gens raisonnables. Des gens avec qui on peut discuter. Mais au cours de cette nouvelle conférence, parle-t-on au moins de juger un jour les responsables du génocide ? Ah bah bien au contraire. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un point essentiel et qui embarrasse beaucoup de gens. Donc, on a pris soin d'éviter le sujet, même de préciser qu'aucun dirigeant cambodgien de la période Khmer Rouge ne serait recherché, extradé ou jugé pour crime contre l'humanité. Ouais, l'impunité, quoi. Total, oui. Elle était exigée par deux membres très influents du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine et les États-Unis. Le mot « génocide » n'a même pas été prononcé. Il aurait écorché trop de lèvres. D'accord. Alors, en attendant, sur quoi a débouché cette deuxième conférence de Paris ? Eh bien, enfin, un processus de paix a été sérieusement établi. En gros, le Cambodge a été placé sous la tutelle de l'ONU jusqu'à la tenue d'élections libres. Alors, je vous demande à nouveau, et les Khmer Rouges ? Ben, ils ont signé, mais ils ne se sentent nullement tenus par ces accords, et ils vont continuer d'agir à leur guise. Ils s'opposent en particulier à l'envoi de forces de maintien de la paix de l'ONU. Et quand ces troupes débarqueront au début de l'année 1992, les Khmers Rouges n'hésiteront pas à les attaquer et à prendre certains casques bleus en otage. Ils continuent donc d'entretenir un foyer de troubles. Oui, oui, ils vont boycotter les premières élections de 1993. Des élections remportées par le parti de l'Inoxida, Prince Sihanouk, qui est enfin revenu chez lui au Cambodge, après presque 15 ans d'exil. À partir de ce moment, enfin, j'imagine que les Khmers Rouges ne reçoivent plus d'aide internationale. Oui, c'est exact. Ce sont maintenant des pestiférés. Pourtant, les Khmer Rouges, privés de tout soutien, continuent de résister, parce qu'ils sont devenus autosuffisants. Autosuffisants, c'est-à-dire ? Bah, ils sont établis dans des zones très riches où ils peuvent exploiter les pierres précieuses et même le bois. Bah, il faut qu'ils bénéficient de complicité pour vendre ces richesses. Bah, ils n'en manquent pas. Tout au long de ces années de guerre, ils ont tissé de nombreux liens avec les trafiquants établis de l'autre côté de la frontière thaïlandaise. Et aussi, bien entendu, avec les militaires qui leur fournissaient des équipements. Alors, À votre avis, les Khmers rouges n'ont pas perdu toute leur capacité de nuisance? Je le crois, même s'ils ne disposent plus de leurs forces militaires d'antan. Mais le cancer n'a pas été entièrement extirpé. Rappelez-vous qu'en 1994, 3 jeunes touristes occidentaux ont été froidement exécutés par les Khmers rouges. Justement, est-ce que les autorités cambodgiennes et la communauté internationale sont enfin décidées à connaître la vérité sur le génocide? Et donc à juger les coupables, c'est bien ça? Ah oui. Une observation d'abord. Juger tous ceux qui ont été impliqués dans le génocide, c'est impossible. Parce qu'on ne tue pas 1, 2, peut-être même 3 millions d'êtres humains avec une poignée de militants Khmer rouges. Donc les complices sont nombreux. Et les petites mains du massacre, si j'ose dire, passeront forcément à travers les mailles du filet. Mais n'en a-t-il pas été de même chez nous après la guerre? Il était quasi impossible d'épurer tous les acteurs de la collaboration. Mais les chefs Khmer rouges? Moi, j'y viens. D'abord, Sihanouk s'est empressé d'engracier un certain nombre, qui vivait d'ailleurs en toute liberté au Cambodge après son retour à Phnom Penh. Des gens comme Khieu Sampan ou Yang Sari, et ça se comprend très bien. Ouais, pourquoi? Parce que Sihanouk ne se sentait pas très clair lui-même? Ben, c'est évident. Au gré de ses innombrables louvoiements, il a trop souvent pactisé avec les génocidaires. Mais il y avait les autres. Hein. Pol Pot d'abord. Pol Pot, oui. Ben, vous savez ce qui lui est arrivé. Il a été jugé par les siens. A-t-il été exécuté? Est-il mort de mort naturelle? Mystère. Mais on peut penser que pas mal de gens avaient intérêt à ce qu'il ne bénéficie jamais d'un procès public. C'est aussi valable pour les autres dirigeants Khmer Rouge. Alors, comme l'opinion internationale exige quand même un procès, il a fallu trouver un compromis après de longues et difficiles négociations entre l'ONU et les autorités cambodgiennes. Et quels en sont les termes? Mais il a été décidé que seuls les dirigeants Khmer Rouge les plus compromis seraient jugés. Et surtout, on ne s'intéressera qu'à la période 1975-1979. C'était à la période où les Khmers rouges ont régné sans partage sur le Cambodge. Et on évitera soigneusement d'enquêter sur les années ultérieures lorsque les États-Unis et la Chine n'ont pas craint de se salir les mains en aidant matériellement les Khmers rouges. Donc c'est un procès sur mesure? En quelque sorte, oui. Et le tribunal spécial sera composé d'une majorité de juges cambodgiens. Rien à voir avec le tribunal international qui juge par exemple les criminels serbes. Et vous craignez que les juges ne soient trop cléments? Oui, parce que les Cambodgiens, et on ne peut guère le leur reprocher, veulent en finir avec cette période douloureuse. Alors c'est pour quand ce procès-là? 2004 peut-être. Bon, vous connaissez la dernière. Les autorités cambodgiennes envisagent très sérieusement d'aménager une sorte de parc d'attractions sur les sites où ont vécu et sévi les Khmers rouges. Mais c'est pas possible. Bah, détrompez-vous. Sous la conduite de guides d'autant mieux informés qu'ils sont d'anciens Khmers rouges, on pourra visiter les demeures des bourreaux et même le cabinet de toilette de Pol Pot. Mais c'est une plaisanterie, ça. Ah, pas du tout. Mais la visite commencera par la visite du musée du génocide édifié à Phnom Penh, là même où furent massacrés des dizaines de milliers de Cambodgiens. Mais après tout, n'y a-t-il rien de plus édifiant que les monceaux de lunettes de déportés accumulés par les nazis à Auschwitz? Un dernier mot et qui résume à lui seul, la cruelle absurdité des guerres qui ont bouleversé la péninsule indochinoise. Il y a 10 ans, on a retrouvé au Cambodge une armée perdue. 400 combattants vietnamiens, enrôlés par la CIA et abandonnés à eux-mêmes en 1975 lors du retrait des États-Unis. Oubliés, ils avaient trouvé refuge dans la forêt où leur existence était devenue au fil des ans de plus en plus précaire. Mais peut-être ne savait-il pas que la guerre du Vietnam était terminée depuis presque 20 ans. Enfin, et ce n'est pas étranger à ce que vient de dire Monsieur X, bien au contraire, je vous signale la parution d'un magnifique ouvrage intitulé « Goulag », un album de photos réalisé par Thomas Kinsney, préfacé entre autres par Georges Sampoun, et qui reproduit pour la première fois des photos inédites des camps de travail forcé en URSS. « Goulag » est publié par les éditions Acropole. À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez trouver des renseignements sur cette émission et même la réécouter. Qu'est-ce que tu prépares, papa? Ça, mon petit loup, c'est des côtes de porc gratinées. Chouette, j'adore! Mais d'habitude, tu fais jamais la cuisine. Bah, tu sais, avec le porc, c'est super facile, super bon, et tu vas voir, on va tous les épater. Le porc, j'adore! Alors, allez vite en acheter. Campagne financée par VPF, viande de porc française. Climax, c'est la nouvelle exposition.